personne sort ça, regarde ce que tu as dit. L'astral, comment elle vous habite? Ça, c'est la grosse affaire dans l'affaire de la conscience, la bébite de l'astral. C'est pas parce que vous avez des invités chez vous que vous êtes obligé de les garder accouchés pendant 5 ans. Hein? Conséquemment, il faut comprendre que l'astral, c'est un visiteur. C'est pas résidence permanente, puis il vous donnera jamais l'astral, toujours. Il vous donnera jamais... vous payera pas du loyer comme un coloc. OK? Donc, ce qui est à comprendre, c'est que ça devient important de savoir dans le jeu, on va dire, très généreux de l'esprit avec l'âme, de comprendre que les facteurs initiatiques de votre vie sont toujours liés à des mouvements d'ordre astral. Et comme je vous dis, c'est un visiteur, l'astral. C'est un élément qui vient des plans de la mort, qui s'exprime souvent sous forme d'entité, parce qu'il utilise votre garde-robe, il utilise votre lit, il utilise votre frigidaire, donc conséquemment, il se sent chez eux au point de quasiment vous faire dire qu'est-ce qu'il veut. Vous me suivez jusque-là? Donc, la conséquence d'être, on va dire, habité par l'astral, la conséquence épouvantable, c'est que vous réfléchissez. Il n'y aurait pas de réflexion, pas d'astral. Donc, vous auriez une ligne directe avec votre esprit. Vous auriez une communication qui est strictement basée sur l'action, mais jamais sur un questionnement. Le fait d'avoir un petit parasite comme ça, un élément parasitaire qu'on appelle l'âme, l'astral, c'est strictement pour vous enligner dans une programmation astrologique. Parce que l'astrologie est basée sur une compréhension des mécanismes de l'astral. Vous me suivez? Vous n'avez pas d'astrologie de l'esprit. Ça n'existe pas, ça. Donc, quand une personne est dans un processus de développement, pour l'esprit, c'est un processus de désintoxication de l'âme, donc un processus de désintoxication de la pensée, qui vous fait faire certaines choses selon des caractéristiques astrales. L'astral, c'est des forces animales. Ça l'a géré et ça gère encore la planète sous des règles du jeu qui sont à caractère animal. Et vous pouvez réellement comprendre que par le fait qu'il est résident... Ça joue vite, cette affaire-là. En tout cas, moi, j'ai pas besoin d'écrire. Le fait qu'il est... Que l'astral, c'est centenaire, millénaire et tout le kit, c'est comme une personne qui vit au monde, donc qui est nouveau, qui a un temps de vie de 100 ans maximum, c'est potentiellement 80 là, aujourd'hui, qui disent qu'on a comme... Donc, vous êtes du monde à initier. Tu sais, c'est quand tu rentres dans un collège ou dans une école ou dans une équipe de football ou une équipe de sport, peu importe. Et souvent, il y a des rites initiatiques qu'ils appellent. Et puis... Dans ces rites-là, ben, tu passes un mauvais quart d'heure. Ben, quand vous êtes habité par l'âme, vous êtes habité par quelque chose qui date de beaucoup, beaucoup de siècles, de millénaires, et puis vous êtes mis en initiation par rapport à ce que vous représentez dans le monde que vous êtes, donc dans la culture que vous êtes. Je pense qu'il y a une femme afghane quand elle est un bébé. C'est un bébé qui apparaît comme un bébé au Québec. Mais à cause de son environnement, elle va être initiée à un rituel de vie de femme, de culture afghane de femme, qui ne sera pas celle de la même petite fille qui est née à la même date de naissance qu'elle, la même année, la même heure, le même jour, parce qu'elle est dans une culture différente. OK? Bon, fait que la façon de faire de l'âme, c'est de répéter des mécanismes, comme je vous ai dit, puis je vais arrêter de le dire, là, qui sont à caractère millénaire et à caractère centenaire, puis toutes ces choses-là, de le répéter pour vous garder dedans. Tout ce qui est de l'âme cherche à vous garder dans des comportements, dans des lignes de pensée qui sont anti-humains, donc qui sont liés à des comportements animaux qui sont souvent et avec le temps, on voit que c'est répété, pour vous maintenir dans un comportement animal. Prenez les équipes de hockey, puis vous allez voir qu'il y a beaucoup d'animaux. Les Panthers, les tigres de... il y a beaucoup de félins. T'sais. Et puis, dès que vous êtes dans un champ d'exercice d'une sorte de représentation des jeux de l'âme animale, vous avez automatiquement un invité. Vous me suivez? Moi, j'ai beaucoup de chats. Je vis dans un monde animal et le monde animal est envahissant, très envahissant. Deux chats, j'aurais le contrôle. 10 chats, j'aurais le contrôle. À 30, j'ai plus le contrôle. C'est du travail. Tu travailles avec les animaux toute la journée. C'est pas compliqué. C'est du nettoyage sans fin. En vieillissant, j'ai commencé à avoir des flashs parce que mon esprit me surveille. J'ai cette chance-là de pouvoir communiquer avec ma source. Ils ont dit, jusqu'à quel âge tu penses qu'il va pouvoir avoir ce nombre-là? Je pense que dans 4-5 ans, je vais avoir ma dose. Il dit, c'est pas mal le bon chiffre. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les opérer, puis je vais les laisser mourir avec les coyotes, les loups puis les pécans. Parce que j'en perds tout le temps 3-4 par année. Cette année, j'en ai perdu 3. 4 avec le bohème, là, mon chat noir là, qui se promenait, qui venait manger chez nous, mais qui ne restait pas chez nous. Mais il est mort pareil. Et puis, je me dis, à 4 par année, 25 ans, c'est fini. Fait que je suis prête à me désastraliser dans ce domaine-là, de la force animale. Là, tu vas dire, oui, mais si tu sais que c'est astral, flush tout de suite. Je veux dire, moi, je considère qu'on vit dans un monde d'âme. Si je me désastrale trop vite, je ne suis plus capable de vivre avec le monde. Fait que les chats, dans leur comportement affectif, puis leur bataille, puis leurs attitudes excessives, là, ils me gardent les deux pieds sur la terre, dans le sens qu'ils me gardent social. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, la question est toujours de savoir si on est habité par l'astral, dans quelle mesure que ça peut être viable. Parce que si c'est des forces animales, on s'entend que tu n'auras pas un comportement toujours cohérent sur le plan humain. Hein? Donc, la grosse question de jusqu'où on est capable de traiter avec l'astral, c'est toujours en fonction de votre cohérence. C'est votre esprit qui vous garde cohérent. Moi, je regarde les chats, puis je te dis que s'ils étaient seul, là, ça ne sera pas trop cohérent. Même les émeutes de loups, c'est jamais plus que 6-7 max. J'ai eu une meute de coyotes là, qui sont venus gueuler en arrière de ma maison. Là. Puis, tu sais, je devais dire, il y a comme un petit chien dans l'eau. Hey, c'est un bébé coyote. Et un gars, il dit, allume. Il dit, un bébé coyote, ça hurle pas, ça jappe. OK. On avait toute la famille. Mais ils sont jamais plus que 6-7. Tu sais? Fait que. Ça veut dire que plus tu es dans un homme animal, plus tu es en perte de cohérence potentielle. Là, vous allez me dire, ouh, l'animalité, c'est viable. Bien, prenez une meute dans le métro. OK, il y a quoi, je ne sais pas, 3 000, 4 000 personnes qui débarquent du métro par jour, facile. Puis fais péter quelque chose là-dedans, puis regardez sortir du trou, toi, parce que c'est quand même souterrain. Puis, tu vas voir à quel point l'être humain qui est comptable, avocat, qui prend le métro, il voit jusqu'à quel point il est animal. Parce que l'intelligence demande de rester calme, puis quand il y a un mouvement de panique dans un métro, tout le monde panique. Il n'y a pas de classe sociale, il y a juste de l'animal. De l'animal en petit groupe, ça gêne bien. Exemple, les gangs de rue, c'est très astralisé, mais ça peut se gérer parce qu'il n'y a pas trop de monde à la fois. Mais t'en mets 50, 60, tu auras un... Exemple, le Canadien gagne la Coupe Stanley. C'est un bel événement, mais tu auras du saccage dans les rues. Vous me suivez jusque-là? Donc, être habité par l'astral, c'est être habité par des forces animales. Pour le sexe, excellent. Très, très, très, très bon. Et c'est ma pitoune. Puis l'autre, viens ici, j'ai besoin de ta tour Eiffel. Ça va bien. Le sexe, c'est astral. C'est animal. Vous mangez, puis c'est bon, puis c'est bon, puis c'est bon. C'est bon. Combien de bières tu peux boire avant que ça soit plus bon? combien tu peux manger de gâteaux ou de quoi que ce soit avant de faire une crise de foie. T'sais? C'est toujours où est-ce que l'esprit, tu y laisses le contrôle, ou c'est bien rébarbatif à l'esprit, c'est jusqu'où l'esprit va laisser faire l'astral pour que tu prennes une hostie de volée que tu vas te souvenir jusqu'à la fin de tes jours. T'sais? C'est toujours ça. Il y a beaucoup de gens qui ont dit boire, pas boire, pas boire. Je parle d'alcool, ces choses-là. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Si tu as besoin de goûter en société à une expérience ou un événement quelconque, il faut qu'il y ait un facteur d'astralité qui soit quand même relativement compatible. Mais regardez Rob Ford à Toronto. Mettons que les forces animales l'ont ramassé d'aplomb. Puis que là, c'est tellement en perte de cohérence que son animalité devient dangereuse pour la ville. Vous me suivez? Pareil pour, comment il s'appelait celui qui était à Montréal, là, Tremblay. À un moment donné, il a perdu le contrôle, le gars. L'astral a pris le pot, comme on dit. Puis c'est la mafia qui est rentrée dans la ville, avec toutes les conséquences que ça a. Donc, c'est très, très important de comprendre la notion de mesure. Et puis, tant qu'un individu est astralisable, on n'a pas à le juger tant que c'est cohérent. Mais quand ça commence à perdre la cohérence, bien là, à ce moment-là, c'est là que ça devient excessivement dangereux. Quand on parle de crime organisé, ça suppose que les têtes, il faut qu'elles soient plus cohérentes que la base. S'il n'y a pas de cohérence dans la tête, ça va être du monde qui tire partout. Donc, il y a des règlements très rigides dans ces milieux-là pour pouvoir encadrer de la très haute animalité. Puis, selon les types de mafias, vous allez avoir plus de violence que d'autres, dépendant du niveau de cohérence et d'encadrement que les têtes sont capables d'assurer sur la base. Comme ça. C'est très, très, très important, le phénomène de la cohérence, quand on est habité par l'astral. Donc, qu'est-ce que je m'assure dans la vie? C'est que quand je fais quelque chose, que ça soit cohérent. Cohérent, pour moi, ça égale contenance. J'ai rien contre l'astral, parce que c'est la matière nécessaire à l'âme pour explorer des expériences, explorer des événements, comme on parlait dans l'autre partie, et puis éventuellement faire des prises de conscience. C'est un point très, très important. Quand vous sentez une atmosphère astrale, ça se sent par le plaisir que vous en avez ou la peur que vous avez. Okay? Quand vous avez une peur qui vous envahit, il faut vous raccorder le plus possible à des individus qui n'ont pas peur de la situation pour vous garder cohérent. Ce n'est pas de vous faire expliquer quelque chose qui va vous rendre cohérent. Ça n'a pas de lien avec l'intellect. Moi, j'ai des chats qui se guérissent à dormir à côté de moi parce que, y a un affolement dans la maladie chez l'animal que lui, ne le comprenant pas, puis en ayant de la souffrance, fait qu'il perd sa cohérence, puis ça amplifie le mal. Donc, il vient se coucher à côté de moi, je n'ai pas de réaction comme le chat. Puis le fait que je sois calme, j'ai vu des chats qui avaient de la misère à respirer, puis qui avaient de la misère à réellement là, à prendre leur air. Il y en a qui sont morts tout seuls dans la maison, probablement parce que j'étais pas là. Puis quand ils se couchent avec moi, ils retrouvent leur respiration parce qu'ils se calment. Donc, ils retrouvent leur cohérence. Donc, ce qui est à comprendre, c'est que être habité par l'astral, c'est sentir un courant qui joue avec votre système nerveux. OK? Et il joue avec votre système nerveux pour vous envahir. Et puis, ça peut être, tu sais, comme les effets de drogue, ça peut être exaltant. Puis ça peut être un cauchemar. Puis la différence entre être un cauchemar puis que c'est exaltant, c'est simplement comment vous interprétez psychiquement l'état. Tu sais, je vous dis tout le temps, là c'est vrai que madame qui est nouvelle, c'est tout le temps, ça veut juste dire il y a 10 minutes, mais je dis aux gens tout le temps, c'est très important dans vos rêves de gagner, de jamais être loser, jamais, jamais, jamais. Quitte à vous réveiller, vous arranger pour trouver une solution, puis vous vous rendormir après. Moi, je m'invente des pouvoirs extraterrestres écœurants, juste avec les yeux, bien souvent. Là. J'ai les miennes tout autour de moi. Je suis un gars qui fait passer au feu à peu près n'importe quoi. des planètes. Je regarde la planète, puis une petite boule qui disparaît. C'est comme un homme de Noël, le firmament pour moi. C'est des boules de Noël à faire sauter. Bon, ceci dit, ça veut dire que si vous êtes capable, de par votre imagination, de vous trouver des solutions dans toutes les circonstances où vous êtes envahi émotionnellement, parce qu'il y a toujours quelque chose d'émotionnel, ça ne changera pas la réalité de l'événement. Tu sais, je veux dire, un bim qui vous arrive dans le visage, un auto qui freine puis que vous n'êtes pas capable, vous savez que vous allez rentrer dedans. Essayez le plus possible de ne pas paniquer, de garder votre tête froide. Peut-être que vous allez dire, ah là, je vais mourir. Bon, ben OK, c'est correct, tu vas mourir, là. Fais un téléphone si tu as le temps, dans une fraction de seconde, pour dire à la personne au bout du fil, je te lègue toute ma maison, tout le kit. Mais ce qui est à comprendre, c'est bien important, quand le courant astral s'installe dans votre système nerveux, de ne pas paniquer. Autant pour du fun, parce que j'ai déjà vu mes chums qui étaient sur les LSD, moi, quand j'étais jeune, parce qu'à l'époque, c'était pas le meth, là, c'était les LSD. Puis quand tu m'en es, tu jouais une toune de guitare, là, il trippait. Puis là, c'est arrivé, là, puis tu snappais ça dans les... Ah, là, il était sympa, trip terrible, là. Puis il avait le goût de vomir, il avait ça quand tu cassais, parce que tout était multiplié par 200. Fait que quand le courant passe dans votre système nerveux et puis qu'il est défaillant, il n'est pas cohérent, c'est là que vous allez sentir que l'astral vous habite, mais pas dans le bon sens. Mais tu sais... Être dans une soirée, puis avoir des gens qui vous disent, tu veux-tu prendre une petite bière, tu veux-tu prendre un verre, tu veux-tu ci, puis vous autres nous dites, ah ben si c'est gratis, je vais le prendre. Faites attention, parce que des affaires gratis, ça ne veut pas dire que c'était l'abri de l'intoxication astrale. Vous me suivez jusque-là? Tu t'endettes. Il y a une zone où l'endettement, c'est une bonne expérience, parce que ça permet de se donner des ressources pour pouvoir partir un mouvement. Partir d'un mouvement, ça coûte toujours de l'argent. Ça exige de l'individu une gestion, puis de jamais perdre de vue qu'il doit gérer quelque chose qui progresse. Faut pas t'en prendre pour ton loyer, faut pas t'en prendre pour manger, faut que t'en prennes pour investir. Faut que ce que tu achètes avec du financement à 10, 12, 15, 20, 100% si vous voulez, que ça soit rentable tout le temps. Sinon, l'astral rentre là-dedans et vous fait perdre votre cohérence et donc, conséquemment, votre contenance. J'ai acheté deux guitares. J'en ai acheté une de trop. Trois guitares, excusez. J'en ai acheté une de trop parce qu'elle était belle. Moi, j'ai cette faiblesse-là. Quand c'est beau, c'est bon. Et puis, je la regarde, c'est extraordinaire, elle est belle. Tout le matin, je me lève, je dis, maudit qu'elle est belle, cette guitare-là. Un beau bois, un bulinga, un bois exotique, tout kit. Mais celle qui est la meilleure pour jouer, c'est la Godin, qui a de l'air de rien, mais qui est efficace. Là, tu dis, ouais, mais si on est toujours dans les choses efficaces, ça peut être plate. Et c'est ça qui m'a fait m'astraliser. Ça m'a coûté 700$ de plus, parce qu'elle était belle. Vous savez? J'ai acheté un ampli pour jouer, là, avec tous les pitons et les gadgets possibles. Chris, commence donc par faire tes bons accords et à jouer avant de commencer à acheter des gadgets là, qui vont te donner l'impression que tu es sur la planète Mars. Non, ça a été encore... Dans le temps, c'est bon, mais tu aurais dû attendre dans le temps. Tu aurais probablement acheté la même chose, mais je me suis fait astraliser. J'ai été plus vite que. Vous me suivez? 30 chats, c'est trop. Il y a 10 chats que c'est astral. Heureusement, les coyotes sont venus chercher. Pas trop su que j'aimais. Ils m'en ont pris que ça me débarrassait. Puis ils m'en ont pris une coupe que ça faisait mal. T'sais? Mais les forces, quand ils me disaient ça fait mal, hein? Ils disent oui, ça fait mal. Là, vous m'avez enlevé de quoi? Là? C'est comme m'arracher une grosse molaire dans la bouche. Là. Il dit, c'est juste pour te rappeler que tu as des grosses émotions qui peuvent te nuire. Tu peux tomber malade, puis là, tu ne sauras plus quoi faire. Parce que c'est pas un chat qui va t'emmener une pilule ou qui va t'aider à te relever du lit si tu tombes. Petit rappel, ça fait mal. Ça, c'est l'esprit qui me ramène à la cohérence. Vous me suivez? Si vous dites, ouais, mais là, on ne peut pas vivre sans âme, on ne peut pas vivre sans plaisir. Dites-vous bien qu'il y a la polarité dans l'âme, la polarité dans l'astral, c'est très, très proportionnel à un élément positif ou un élément négatif. Ce qui veut dire que si vous avez bien du fun, vous allez avoir un gros malheur. Ça va ensemble. Il fait un gros soleil, vous allez avoir une grosse pluie. Fait que tout ça pour vous dire que si tu as un plaisir et tu as aussi l'avalanche cauchemardesque qui suit, tu as à gérer ça. Il faut que ton esprit sache ça. L'esprit, elle sait, c'est pas là le problème. Il faut qu'elle te l'indique. Il faut tout le temps qu'il te soit indiqué dans ta lecture des événements la polarité de l'événement. Parce que quand tu es habité par l'âme, ce qui fait un coloc, puis ce qui fait un individu qui va vouloir être couché sur le testament sans avoir investi dedans, il y a une grosse différence. Puis l'astral se donne des droits par la réflexion. Votre réflexion, votre comparaison, votre analyse des événements, c'est lié souvent à l'astral. Tu sais, moi j'appelle ça le voisin gonflable. Le gars s'achète une tondeuse, s'achète un petit tracteur. L'année suivante, il engage une compagnie de tracteurs pour pouvoir faire quelque chose. Puis ça finit qu'au bout de 10 ans, vous êtes hypothéqué à l'os parce que vous avez passé votre vie à vous comparer et à vouloir avoir meilleur qu'eux. OK? Ça, c'est astral. Mais l'astral fonctionne comme ça. Fonctionne par un facteur d'amplification dans le temps d'une perte constante de cohérence. Le travail de l'astral, c'est de vous tester. Quand on dit je passe un test, bien souvent c'est un test qui est lié à des jeux astraux. Moi, je suis en train de restructurer mon travail. Puis je ne restructure pas une banque de contacts, une banque d'adresses. Je restructure ma façon d'être avec les gens. Parce que c'est dans ma façon d'être que j'ai perdu un gros public. Je ne peux pas me plaindre de ce qui reste, c'est les plus intelligents. Mais ça reste que j'ai perdu un gros public parce que je me suis allé à m'astraliser beaucoup avec mes rapports, dans mes rapports humains et à ne pas vivre mes relations strictement sur une base d'esprit. Vous me suivez? C'est ami. Quand tu as beaucoup d'ami, tu as beaucoup d'âme. Tu as des projets amicaux dans un rapport qui n'est pas nécessairement mental. Donc, conséquemment, tu payes le prix à un certain moment donné. Quand je dis je restructure ça, ça veut dire que je change mon type de réflexion vis-à-vis de ce que j'accepte dans mes rapports humains pour amener ça à un niveau où je fais voir à l'âme qui s'est installée chez nous qu'elle n'est pas chez eux, que je ne pense pas pareil, que je ne fonctionne pas dans les mêmes règles, que j'ai une ligne de pensée qui est très, très différente de ce qu'elle pensait que j'avais accepté d'elle. Vous me suivez? Tu sais, tu as une amie, vous comprenez, mais c'est toujours toi qui comprends, l'autre, elle ne comprend rien. Ben ça, c'est de l'âme qui s'est invitée chez vous. Fait que cette âme-là, si tu la laisses vivre, elle va finir par penser que c'est elle qui a raison puis que toi, tu as toujours tort. Parce que c'est animal, fait que ça prend du territoire. Ça va toujours s'investir dans ton territoire. Le couple, c'est la même chose. Il y en a une, là, avec son colonel. Le colonel, il a décidé de rester chez eux, à elle. Elle le met à la porte, puis il revient parce que pour lui, il est chez eux. Fait que c'est de l'âme qui s'est installée. C'est de l'astral qui s'est installé dans son habitat. Pour lui faire comprendre, à un moment donné, quand elle s'est achetée un Mercedes, j'ai dit, laisse-y pas conduire pendant un mois. Elle a tellement aimé l'effet que ça fait de ne pas le laisser conduire, qu'à cette heure, elle ne laisse plus conduire à personne. C'est elle et son mécanicien, point final. Fait que tout ça pour dire, en gros, que d'être habité, c'est pas grave, mais que l'autre s'installe après vous avoir habité, c'est grave. Bon, je vous parlais de cohérence, puis ça m'amène à dire que il faut que vous ayez de la cohérence pour éviter la trappe de la réflexion. Et dans le deuxième fichier que je fais ici, là, ce que je veux vous parler, c'est la réflexion vient du je. Tu sais, quand on dit, quand on est dans la conscience, c'est les forces qui parlent à travers notre canal, il n'y a pas de je. Moi, je n'ai pas préparé cette conférence-là. Je la découvre en même temps que vous autres. 90% du temps, je suis obligé de réécouter mes CD quand je fais mon montage pour savoir de quoi j'ai parlé. Tellement que quand je parle, je ne suis pas conscient réflexivement de ce que je parle. Donc, des conséquences que ça a. Je me fie que les forces savent où je s'en vont dans ce que j'ai à dire. Tout ce que je sens, c'est que c'est cohérent. Vous me suivez? Mais je n'ai pas d'autre compréhension que le fait de me sentir cohérent. Vous autres, vous avez besoin d'une approbation. Fait que vous parlez en jeu, principalement parce que vous n'avez pas l'assurance de votre source, qui est votre contact. Et conséquemment, vous cherchez une approbation de l'âme qui lui-même aussi en réflexion. Fait que l'âme vient chez vous, elle dit, je peux-tu rentrer? Vous dites, oui, pas de problème. Tu veux-tu un petit café? Elle prend un petit café. Elle se lève, elle s'en va dans le frigidaire, elle dit, je voudrais manger quelque chose avec ça, ça te dérange pas? Non, non, vas-y, sers-toi. Là, il se sert. Il reste pour souper. Puis, rendu au souper, ben, il va dire, je peux-tu inviter quelqu'un? Il dit, au cas où ça serait plate dans la soirée. Bon, oui, vas-y. C'est quelqu'un que je connais? Non, tu ne le connais pas, mais on va l'amener. L'autre arrive. Peux-tu avoir un petit café? Ben oui, ça à toi. On est une gang de chums ensemble. C'est pas un petit café. Tu peux-tu manger? Il a l'air à manger. Ben oui, donc, il y en a pour tout le monde. On va séparer ça. Un buffet. Puis là, il se lève. Il a fini de manger. Il va s'asseoir dans le salon. Il rouvre la TV à un poste que tu n'aimes pas. Ça ne te dérange pas, j'espère? Non, non, non. T'es un vrai Québécois, là, tu sais. Puis là, tu commences à dire, « Hey, chez nous. Hein? » Là, tu commences à dire, « Hey, tu t'en vas à quelle heure? »« M'en va pas, je suis bien, moi, là. » Ça, c'est l'astral. Là, le lendemain, tu commences à te questionner. Et voilà. Tu commences à te questionner. Si tu aurais dû faire ça pendant qu'il rentrait, hein? Tu aurais peut-être dû faire ça, dire, « Non, ça ne me tente pas qu'il vienne ton chum. » Puis si moi, là, je veux que tu t'en ailles. Hey, non, non, non, on est des chums. Non, là, la colère, il faut qu'elle vienne. Parce que si tu n'as pas de colère, la réflexion va te manger. Puis là, tu vas être dans « je suis coupable, je suis pas fin, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis quelqu'un. » Ah, là, c'est ambigu, hein? « Je suis quelqu'un, puis je suis quelqu'un. » Il manque ça, c'est le CD, eux autres. Pour ça, je lui ai dit de venir à la conférence. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. La réflexion, c'est lié... Sais-tu qu'est-ce qui est le voisin de la réflexion? C'est l'analyse. Pas se tromper. Quand tu as peur de te tromper, tu analyses. Puis tu fais, avec l'analyse, quoi? Un raisonnement. Une raison. Donc... Dans le jeu, tu cherches l'approbation, puis tu veux être reconnu, puis là, la reconnaissance est essentielle pour que tu puisses continuer à réfléchir en jeu. Et puis là, tu es à la recherche de la reconnaissance. Là, tu fais beaucoup d'analyses pour aller trouver les raisons qui pourraient faire qu'un autre te reconnaisse. Puis là, il y a tellement de monde dans la maison que tu ne dors plus, parce que tu te questionnes sans arrêt. Ce package-là, là, ça aboutit dans du questionnement. Là, ça vient voir Ménard. Puis Ménard, il dit, ben, pourquoi tu te questionnes? Tu as juste à faire ça. La personne, elle sort de la consultation, puis elle dit, ouais, ben là, Ménard, il est fort pas mal, là, tu sais. Il m'oblige à agir. Sais-tu que tu aurais dû t'obliger avant que ça rentre? Parce que si tu t'obliges à agir, c'est parce qu'il veut arrêter que tu te questionnes pour pouvoir voir ce que ça fait d'agir sur un événement. Puis là, il me garantit rien, mais non, il me dit d'agir, puis il me dit pas que ça va donner. Ah, bien, c'est sûr que je te dis pas que ça va donner. C'est une surprise. J'essaie de te faire découvrir le mot spontanéité. Suivre une vibration. Il aime bien mieux suivre une guidoune. Tu sais? Non, il veut suivre une vibration. Pour lui, ça s'appelle le désir. Okay. Il s'astine avec Ménard, il voit un autre qui dit, bien, écoute, m'a t'en donné, moi, une réponse. Puis là, la réponse, elle répond à son désir. Il agit dessus, puis il se remet dans la merde, il vient me revoir. Il dit, tu me dis de passer à l'action. Je dis, oui, mais mon action, l'action du voisin, ça comptait pas, là. Ah, oh, ben là, il fallait que tu me l'expliques. Non, non, non, non, non. La réflexion, si tu n'en sors pas par toi-même, tu n'en sortiras jamais par le plus génial des gens autour de toi. Oublie ça. Il y a pas, à moins que tu aies un choc de vie, genre, tu es paralysé sur une chaise, puis que si l'autre ne te dit pas quoi faire, tu ne feras rien, puis tu vas en mourir de ta chaise. Donc, ça devient excessivement important d'être capable d'arrêter la réflexion et de passer aux actes. Moi, j'ai sur mon site, c'est marqué dans le haut, là, avec les petits super-héros en gauche. Vibrer et agir. C'est drôle, j'ai pas marqué vibrer, réfléchir et agir. Non, non, non, non, non, non. J'ai dit vibrer et agir. Tu vibres une situation, tu agis dessus. Tu dis, oui, mais tout à coup qu'on se fait mal. Ben oui, tu vas te faire mal parce que tu as peut-être été dans une zone de réflexion tellement grande que tu t'es embourbé au point que si tu as sorti du trou, ça se peut que tu casses ta transmission. Parce que là, tu es très embourbé. Mais tu es mieux de casser ta transmission puis de repartir à pied que de toujours vivre dans l'ambiguïté de « je suis capable de m'en sortir ». Pour savoir si tu es capable de t'en sortir, il faut que tu poses des actes. Tu ne peux pas apprendre à tirer de la carabine sur du papier. Il faut que tu en aies une arme dans les mains, puis que tu entendes le « pow » puis le « ci » puis le « ça ». Puis tu ne sauras jamais c'est quoi ta limite quand tant que tu n'auras pas été à des calibres que tu dis « wow, ça fait mal, ça là, là. ». Mais quand tu vas dire « wow, wow, ça fait mal », tu as juste à revenir dans des calibres que tu contiens. Vous me suivez? C'est toujours « agir ». C'est arrêter de réfléchir. Vous me suivez? À un moment donné, tu comprends une chose dans la vie. Il y a juste une affaire à faire. Tu comprends qu'il y a juste une affaire à faire. Il n'y a pas deux affaires à faire. Il y a une chose à faire qui va en enchaîner une autre, puis une autre. Donc, c'est linéaire dans un sens. C'est pas binaire dans le sens de chacun son tour. Quand tu es dans un processus de réflexion, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te présente un événement avec lequel tu ne conviens pas ou tu ne conviens pas. Donc, vas-y dans ce que tu contiens. Moi, je reviens souvent aux chiffres. Combien de que tu es capable? Tu vas me dire d'alcool. Combien de litres? Combien de verres? Combien d'onces que tu es capable? C'est un chiffre. Ça revient à un chiffre. Combien d'argent que tu disposes pour aller en voyage? Moi, je n'ai pas une scène. Fait que ça se limite à deux films à 6,90 chez Vidéotron. C'est quoi des vacances? C'est faire quelque chose de différent de ta routine. Quand je regarde les vies d'un autre, je suis en dehors de ma routine. Vous me suivez? Fait que je me mets en vacances pour 6,90. Ça coûte pas cher de gaz. Là. Je parle de chez Vidéotron. Deux films, pas des nouveautés. Juste pour être en vacances. Les vacances étant de se changer les idées. Hein? Il l'a mijoté. C'est du génie, cela, là. Yes! C'est combien t'as? C'est combien t'as? Qu'est-ce qui te garde cohérent? Tu décides parce que tu files pas bien. Genre, si je reste au Québec, je vais attraper la grippe. Tu décides d'aller te taper un voyage de 2 000 $ à Cuba. Oh, minute, tu vas en avoir une en revenant, ça c'est clair. Ça va faire que tu travailles fort, hein, maudit, pour payer ton voyage. Ça revient tout le temps à qu'est-ce que tu contiens, puis assurer ta cohérence. Puis la réflexion t'amène toujours à te donner des raisons. Parce que tu vas analyser dans ta réflexion, puis tu vas arriver dans ton jeu à te dire, bien là, moi, il faut que je m'approuve quelque chose, sans ça, je suis rien. Moi, c'est là où j'ai accepté d'être rien, puis depuis ce temps-là, je suis quelque chose. Je suis pas le gars qui pense, donc je suis le gars qui agit. Là où tu dis, moi, j'y ai pensé avant. Ouais, puis qui t'a fait quoi? On va le faire, là. Ça en vient. Dans une couple de heures, une couple de semaines, une couple de mois. OK. Ça ressemble à mon agenda. Plein d'intentions, mais aucune réalisation. Pas bon, ça. Faut que tu fasses ce que tu dis, que tu sens. Tu sens de faire ça, tu le fais. J'ai fait une semaine dans une journée aujourd'hui. Fait que ça veut dire que la semaine prochaine, je peux en faire beaucoup. Si je ne réfléchis pas, moi, le faire. Si je réfléchis, moi, m'asseoir sur ma chaise, puis je vais dire, ouais, quand est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qui est le meilleur temps? Puis, le meilleur temps, c'est quand tu le vibres. Quand tu le vibres, c'est le meilleur temps. That's it. Les gens sont en conflit avec eux-mêmes, mais pour ça, ils se demandent pourquoi ils ont des conflits avec les autres. Écoutez bien, là. Les mondes, là, on ne dirait pas le monde, là, mais on va dire les mondes, ils sont tous astralisés à un certain degré, à une certaine intensité. Puis ils sont tous là pour t'inviter chez eux ou aller chez vous. Puis aller chez eux, c'est pas nécessairement le package deal du siècle. Parce que plus tu es ensemble pour réfléchir, moins c'est bon pour l'action. Mais si tu es avec des gens qui sont dans l'action, il n'y a pas beaucoup de réflexion parce que souvent, le package que les gens ont d'expérience, ils font juste le partager puis c'est amplement suffisant. Une bouteille de lait chez nous. Lui, il a une canne de raisin. L'autre, il y a des steaks. Puis vous matchez ça ensemble. On n'a pas besoin d'aller chez IGA, c'est déjà fait. Fait que toute votre expérience de vie, c'est déjà de la matière à consommer. Vous avez déjà de l'expérience. Vous avez juste à vous mettre ensemble, garder ça cohérent, parce qu'il n'y a pas de hasard sur les gens qu'on rencontre. Ils sont dans votre vie pour une raison. Tu n'as pas besoin de te chercher une raison pour être avec du monde. Tu as juste à aller dans le monde, puis tu vas rencontrer du monde qui a une raison d'être avec toi. Wow! Comment on fait ça? On ne fait rien. Tu as juste à rien faire, puis ça se fait. Moi, j'ai la chance d'avoir une dormeuse dans mes salles. Fait que c'est toujours relax. L'événement dans ma vie, c'est que ça me fait voir que je suis calmant. Je calme les gens. Et je réussis à chaque fois qu'elle est là, à la calmer. Pas besoin de réfléchir à « Je suis bon? » Non, t'es bon, certain, parce qu'elle est capable de dormir. C'est pas menaçant quand tu dors. Dormir, habituellement, quand tu t'endors, c'est parce que t'es pas menacé. C'est bon signe. Fait que j'analyse pas la situation. Je la constate, et puis je vis avec. Si je commence à réfléchir là-dessus, je suis bon, je suis pas bon. Puis qu'est-ce que tu en penses? Puis là, j'arrive au restaurant, je dis, tu penses-tu que je peux améliorer quelque chose? Ça, c'est pogné vers l'astral qui t'habite au point de t'emmener à des zones de réflexion qui n'en finissent plus. Là, je deviens totalement conditionné par mon environnement. Tandis que si je ne me laisse pas conditionner par mon environnement, je suis un courant qui, évidemment, va être entouré de jeux d'âme, de jeux d'astral. Si je garde ma cohérence là-dedans, je vais avoir ma contenance. Puis si je garde ma contenance, peu importe qu'est-ce que je vis, je vais toujours m'en aller dans un sens intelligent, même s'il y a de l'astral. Donc, être habité par l'astral, de prendre un petit verre, pas de problème. D'en boire trop, c'est là qu'est le problème. Puis vous remarquez une chose, c'est assez fréquent. Les gens qui boivent beaucoup, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont être contenus par les autres s'ils ne se contiennent pas. Sinon, ils feraient attention. Fait que vous voulez aider quelqu'un dans la vie, quand il ne se contient pas, crissez-les là. Sacrez votre camp courant. Arrache-toi, ah, toi, si tu travailles. Là, la personne, tu dis qu'elle va s'en souvenir. Vous allez avoir été un événement dans sa vie. Il y a un gars qui m'a raconté une bonne histoire. Il avait mis, c'était un juif. Il met un petit juif, son gars. Petit juif de 3-4 ans. Il dit, il m'a donné une grosse leçon de vie de juif. Il l'embarque sur le bord de la table, ici. Là, il s'installe, assis, puis il dit, ah, il est en saute d'un bras, papa. Puis le petit gars, il se donne un élan, puis l'autre, il sort, puis l'autre, le bébé tombe sur la chaise, puis il se tape la noix sur le sol. Papa, t'es pas fin. C'est ça, la vie. Dit, si tu comprends qu'après une faillite, tu vas aller mieux, tu vas comprendre pourquoi tu as eu une chute. Quand les gens qui vous supportent le plus vous abandonnent, il faut que vous compreniez que c'est un test pour pouvoir maturer et savoir si vous êtes cohérent, si vous avez de la contenance dans la vie. Quand on te crisse là, dans la vie, pour X raisons, n'oubliez jamais que ça joue sur votre système nerveux, sur le courant, puis que vous êtes en haute zone d'astralisation. Parce que vous allez vouloir vous venger, vous allez haïr, vous allez justifier des actes qui ne sont pas justifiables. Puis éventuellement, vous allez tomber dans l'autre polarité qui est le questionnement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû rester plus chaud. Puis là, la réflexion en bas, d'un bord, puis elle vous repogne de l'autre bord. Ça, c'est comme d'être dans une mer qui tangue votre bateau. Il vous garoche à gauche du bateau, à droite du bateau. Ça arrête tout. Hein? Je pose la question. Puis là, je fais ce que je vous ai dit avec le petit jeu, je vous laisse tomber, trouver la réponse. L'évolution d'un être humain, c'est marqué par la confirmation de la fin de la réflexion. Vous avez réfléchi quand vous avez commencé à apprendre à conduire une auto, hein? On réfléchit en maudit. Ah, c'est trop glissant, c'est ça, j'arrête-tu, il faut que je mette les breaks, papa, papa, papa, puis à quelle intensité, pour se ramasser dans le windshield. Puis un jour, c'est devenu réflexe. C'est dans le mot. Réflexe, ça va bien jusque-là. Sion, là, ça va mal. Tu es en zone réflexion, réfléchir, questionner, pas d'action, pas de mouvement, pas de perception vibratoire. Vous êtes pogné dans le jeu. Vous allez commencer à partir du fait que tu tombes dans le jeu, vous allez chercher des approbations. Et la société va vous en fournir pour vous affaiblir des approbations. Ils vous mettent des petits anges à 2 ans, 3 ans dans vos cahiers. Ils vous donnent des notes. Vous allez commencer à être noté, je ne sais pas à quel âge, 4-5 ans, je pense. Vos parents vont dire. Fait que c'est très important de comprendre que plus vous éliminez la réflexion, plus vous avez la chance de vous libérer de l'intensité du jeu dans votre vie, puis de tous les conflits que ça entraîne le jeu dans un processus d'évaluation. Pas de jeu, il n'y a pas d'évaluation. Tu te lèves le matin, tu te couches le soir, tu es bien toute la journée. As-tu besoin d'une évaluation? As-tu besoin qu'on te dise que tu es bien? Tu es bien. Hey, tu as de l'air bien. En tout cas, j'aimerais ça être bien comme toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour être bien comme toi? Veux-tu me lâcher le pompon? Je suis bien. Puis là, il questionne, questionne, questionne, parce que lui, il est pris dans son questionnement. Puis tu finis à soi, Eric, que tu n'es pas bien. Parce que l'autre, il est bien parce qu'il a donné des recettes. Ça, c'est se faire nourrir par un environnement qui, sous prétexte, qui va t'approuver dans ce que tu es, dans ce que tu fais, puis c'est ça. On appelle ça la reconnaissance. Tu as besoin d'être reconnu dans la vie, tu as besoin d'être approuvé. Arrangez-vous que ça soit payant. Si à chaque fois que l'autre te pose une question, faut il faut qu'il donne 5 piastres, là, c'est le fun. Tu peux me tenir jusqu'à telle heure. Parce que là, tu ne te questionnes pas, tu te nourris. Tu ne laisses pas l'autre te questionner, il s'en vient chercher des recettes qu'il paye pour. Vous savez, il faut qu'il y ait un échange. L'échange, ça empêche le jeu de tomber dans les jeux d'approbation. Parce que dans l'échange, l'autre, il vient chercher quelque chose. Ça, c'est comme une entité qui rentre chez vous, tu dis à telle heure, tu sors, il sort à telle heure. Tu as le goût de le revoir. Puis, téléphone avant. Tu sais, si vous étiez capable de dire à une entité ou à l'astral, appelez ça comme vous voulez, je veux te voir juste quand ça me tente. C'est comme l'équivalent de dire, je vais prendre un verre, moi, quand je le vibre. Je vibre de prendre un verre, pas de trouble. Deux, t'essayes. Après ça, tu commences à perdre ta cohérence. J'en veux plus. C'est l'heure qu'il faut que tu t'en ailles. Faites ça dans tout ce que vous aimez faire. Puis dans tout ce que vous n'aimez pas, arrangez-vous pour qu'il y ait toujours le doigt sur le volume du système de son. Il y a un gars qui m'a demandé, il dit, dans un système de son, okay, c'est quoi le piton le plus important? C'est le volume. Si tu n'as pas le contrôle sur le volume, tu peux avoir des surprises. Fait que l'évolution d'un individu dans l'élimination de la réflexion, c'est évidemment une plus grande proximité avec l'action. Mais la proximité avec l'action, il faut qu'elle se débarrasse de l'approbation. Parce que si tu fais tout le temps des choses sous prétexte que tu es approuvé, tu vas finalement être conditionné dans ce que l'environnement qui est à caractère astral dit c'est correct ou c'est pas correct. Moi, j'avais une amie qui disait, c'est-tu correct que je fais ça? Tu le fais? Tu te sens-tu bien dans ce que tu fais? Dans le qu'est-ce que tu fais que tu te sens bien, il y a toutes les réponses. Mais tu n'as pas besoin de toutes les avoir. Tu as juste besoin de sentir que ce que tu fais, c'est bien, de le faire pour toi, that's it. Ouais, mais si c'est mal, tu auras bien fait le mal. Il n'y a rien de pire que de mal faire le bien. Ça laisse tout le temps une impression de ne pas avoir fini quelque chose. Question. Allez, ben, ça va vite. À vous des questions. Plus de questions. Là, c'est fini, il n'y a plus de break après. Là. OK. On ne réfléchit pas. On dit n'importe quoi. Vous êtes capable? Avant qu'on s'incarne, ça te dit, on connaissait toute cette game-là. Je pense qu'on s'incarne pour la connaître. Oh, ouais. Je pense qu'on s'incarne pour la connaître. Parce que connaître quelque chose, ce n'est pas l'apprendre. Apprendre quelque chose, ça s'adresse à l'intellect. Puis ça peut s'astraliser par ce qu'on a dans notre société aujourd'hui, des gens qui vivent dans une sorte de virtualité. Si je le comprends, je suis pas besoin de le faire. T'sais. Fait que, non, il faut que tu sois capable de le comprendre et de le vivre, donc de l'actualiser. Je pense qu'on vient sur la planète pour. C'est comme les entités dans l'astral. un moment donné, je lui posais des questions, parce que j'ai fait de l'exercice pendant certaines années, certains nombres d'années. Je lui disais, qu'est-ce que tu cherches? Il disait, répondre à mes questions. Je lui dis, pourquoi tu ne t'incarnes pas? Ben, il dit, c'est bien plus facile par le corps d'un autre. Fait que, je dis, l'ultime réponse, c'est pas de comprendre une mécanique, c'est de sentir. C'est de sentir comment ça se passe dans une vibration. Que ça atterrisse dans une compréhension intellectuelle. Tu sais, quand je parlais du prodige, à l'âge de 6 ans, il jouait du piano, il jouait du Beethoven. On ne peut pas dire qu'il a appris quelque chose. On peut dire qu'il sentait la musique. Puis dans son senti musical, il était capable de coordonner des notes pour arriver à une sonate ou à un quelconque arrangement musical qui pouvait être classique. Tu me suis? Il y en a des choses qu'on fait, puis c'est de l'instinct. Là, tu sais. On ne pensait pas qu'on... Tu sais, moi, j'ai une aptitude pour la précision. Mais j'ai une tendance aussi, dans mon langage, à chercher la précision. Bernard disait tout le temps, t'es toujours en train de corriger tout le monde. Je dis oui, je corrige les gens parce qu'ils n'ont pas le mot précis. Fait que là, ce qui est parti avec l'affaire du mot juste, puis tu le quittes, on a développé ça longtemps. Parce que il dit, tu reproches-tu aux gens? Je dis non, je dis je corrige pour qu'il y ait un meilleur impact sur l'écoute de l'autre. L'autre écoute, il veut écouter quelque chose de cohérent, de précis, puis d'ajuster à son besoin. Je dis moi, je m'efforce tout le temps à ce que les gens me comprennent. Selon le niveau de langage, puis le niveau de compréhension, puis le niveau d'application, parce que pour moi, ça a toujours été comment tu appliques ce que tu sais qui est important. C'était pas de le savoir. À quoi ça sert quelqu'un qui était aux études pendant 40 ans? Il fait quoi, lui, avec son environnement? Il se fait plaisir, OK, pas de trouble, mais est-ce qu'il délivre quelque chose? Tu comprends-tu? Fait que je pense que quand on s'incarne, on vient vivre ce qui est appelé à être compris dans le cours de la vie. C'est pour ça que la réflexion, c'est un obstacle. Mais vibrer, agir, c'est une belle école, ça. Très belle école. Tu apprends beaucoup à vivre les choses. Les âmes, tu en as fait avec moi. Tu en sais plus à la compétition depuis l'année passée puis cette année que bien des années avant. Mais il faut que tu te mêles à des gens qui ont vécu des choses. Pas juste des gens qui comprennent. On pourrait lire des livres, ça arrêterait là. Il faut le vivre avec du monde. OK, c'est ça. Est-ce que plus on a d'identité, moins on a d'astral? J'ai des nuances à donner là-dessus. Moi, j'ai tout le temps pensé que pour être intelligent, il fallait se débarrasser de l'astral. Puis c'est au contraire dans l'astral ou dans les combats ou les tests qui te font vivre que tu sais si tu es intelligent. Pour savoir ton intelligence, il faut que tu sois obstrué. Il faut que tu sois bloqué, faut qu'on t'impose ce que les gens appellent un choix. Il n'y a pas de choix, là. Il y a un combat, mais il n'y a pas de choix. Mais dans l'impression astrale d'avoir un choix, il faut que tu constates qu'il n'y a pas de choix. Et ça, ça demande de l'intelligence. De l'intelligence, c'est un constat permanent de ce que tu es capable et ce que tu n'es pas capable ou ce qui n'est pas appointé à ton horaire. Tu sais, il y a des choses, des gens, ils vont me dire, ben, il y a le temps. Tu sais, Lise, elle me dit ça souvent. Elle dit, ça va pas vite comme tu veux, mais elle dit, on avance pareil. Bon, ça veut dire qu'elle a une rythmique, elle, qui n'est pas la mienne. Je conçois ça. Je n'ai pas à y imposer une rythmique, mais non plus, j'ai pas à me faire imposer une rythmique. On a séparé si on n'a pas la même rythmique. Mais on peut arriver à des points de convergence où un est utile à l'autre. Moi, il m'arrive des fois avec des affaires de santé, puis c'est toujours... tout right on, là, ça fonctionne, là, son affaire. T'sais, elle m'a acheté une paire de bretelles, je pense que c'est l'affaire qui m'a le plus servi dans ma vie. Dès que je perds du poids, je sens la bretelle venir. OK, c'est ça. Mais on s'en compte pour une paire de bretelles. Pour moi, c'est un gros événement dans ma vie. Je n'ai pas à réfléchir, j'ai à la porter, la bretelle. Est-ce que je mets les bretelles aujourd'hui? C'est pas une question. C'est tes culottes, si tu ne veux pas avoir de l'aide tout nu, d'un centre d'achat avec les culottes baissées, tu as besoin de bretelles. Ça m'est déjà presque arrivé, hein? J'ai eu le temps de me retourner vers le mur juste à temps. Mais il y a une couple de personnes qui ont vu mes fesses. J'avais perdu du poids cette semaine-là. T'sais? Donc, j'étais plus mince. Question? Et voilà, c'est fini. Donc, on vous souhaite une bonne soirée. Oui, les questions, hein? Il n'y a rien comme de l'abandon. C'est toi que j'arrête. Jeannette, elle en veut. Oui, elle en veut. Non, mais on veut creuser le sujet, là. C'est pas assez. Ben oui, mais c'est ça, demande des questions. Et comme la réflexion, tu dis que ça prend tout le temps le jeu, c'est de l'approbation. Ça veut dire qu'on est toujours en train de vouloir l'approbation des autres. Oui, puis c'est ce qui engendre la réflexion. Tout ça, c'est l'insécurité. C'est ben, conséquemment, oui, c'est sûr. Ça, c'est la stalle qui s'est invitée chez vous et qui ne paye pas le loyer, fait que tu es obligé de tout régler les comptes tout seul. Oui. OK. Là, tu es prêt avec l'astral qui dit « Hey, achète donc ça, achète ci, achète ça. » Tu dis « Hey, wow, wow, wow, c'est moi qui travaille. » Fais un effort. Oh, ben, écoute. C'est ça que tu appelles la cohérence. Faut, c'est bien important, la cohérence. Pour moi, dans ma vie, quand je regarde, tu sais, des fois, tu me dis « Comment tu fais? » Ben, ma recette à moi, pour pouvoir passer à travers de ma vie à moi, là, pour que les gens regardent et disent « ça n'a pas d'allure vivre de même », c'est justement c'est que j'ai toujours un truc pour me garder cohérent, tout le temps, tout le temps. Okay. C'est intéressant, ça, tout à l'heure, tu disais, si mettons que tu arrives à un accident, il faut toujours que dans ta tête, tu sois gagnant. Oui. Ça veut dire qu'il ne faut jamais que l'astral ait l'emprise. Il ne faut jamais que l'astral te fasse vivre de la polarité. Idéalement. Là. Elle va te l'en faire vivre dans un événement, mais il ne faut pas que dans l'événement, tu perdes ta cohérence qui équivaut à se faire polariser. Tu vas toujours perdre une cohérence sur une base de polarisation. Ton mental se fait polariser, tu vas inévitablement vivre une perte de cohérence. Ça doit être assez rare, tout le monde, qui ne perd pas la cohérence à un moment ou l'autre. Oui, c'est sûr. Moi, toi, bien, je perds ma cohérence. OK. Ouais. C'est comme des tests te sont présentés pour que tu saches où tu prends ta cohérence puis où tu la perds. Ben, c'est un état. C'est un état. Ben oui, l'astral, c'est un état. C'est pas des bibites, là. Non. Vous autres, vous mettez ça dans des bibites, des personnages, la patente, mais c'est principalement des états. Okay. Tu sais, tu te sens coupable, c'est une perte de cohérence. Ah, ouais. T'es jaloux, c'est une perte de cohérence. Tout ce qui t'amène tout ce qui t'amène dans des questionnements qui n'en finissent plus obsessifs, c'est de la perte de cohérence. Tu sais, se questionner sur l'achat d'une auto, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Se questionner sur « je paye-tu ça ou je paye ça », tu sais, ce qu'on appelle les priorités, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut que tu sois capable de le regarder, puis c'est ça. Ah, OK. Aussitôt que tu rentres dans une zone où c'est que ça prend du temps, ça veut dire que tu es attaqué. Oui, c'est l'astral qui vous fait prendre du temps. Là. Vous êtes pris dans un comportement astral qui ne laisse pas passer la lumière, et puis conséquemment, bien, c'est long. Dès que c'est long, c'est sûr que votre esprit ne passe pas. C'est rapide comme l'éclair, là. C'est toujours... Ben, en tout cas, c'est toujours rapide. S'ils disent que ça va prendre tant de temps, c'est parce que dans ta destinée, tu n'auras pas la contenance avant tant de temps. Mais ça va te l'indiquer dans la tête. Moi, il y a des choses qui me disent... tu ne peux pas acheter ta maison parce qu'il y a des facteurs de développement dans les gens qui sont liés à ça, qui ne sont pas rendus à tel X niveau. Je suis capable de comprendre que ça prend du temps à cause des autres, mais comprendre une chose puis agir dessus, agir, ça peut être rien faire, mais il faut que ça soit une action. Okay. Ça soit une action. Il faut que ça soit clair que rien faire, c'est... pas grave, c'est dans le jeu, ça. Okay, okay. Avec les forces, c'est « ils te font faire ça ». Ils te font attendre. C'est le « il » avec les forces. Le « jeu, c'est pour l'âme. Quand tu sens que tu n'es pas capable de faire quelque chose... C'est parce que tu n'as pas à contenance. Okay. Si tu n'as pas à contenance, les forces, normalement, ils te font attendre. Tu sais, quand je me passe la main, je dis « je n'ai pas fait la barbe aujourd'hui ». C'est vrai, je l'ai oublié. Ben, c'est une perte de contenance. Plutôt vidal ici, j'aurais dû me raser. Mais quand je vais rentrer, moi, être bien content d'avoir vidal ici. C'était une perte de contenance. Il aurait fallu que je me lève 10 minutes plus vite, puis c'est pas long de faire une barbe, là, ça prend 2 minutes. Un petit peu d'eau, puis de crème, puis un petit rasoir. Mais là, c'est que je m'en suis pas rendu compte. Tu sais. Je dis, ah, prends ça. Non, je veux pas bien paraître, parce que j'ai fait des bonnes conférences. Oui, oui. Si le monde ne vient pas me voir, moi, là, il vient m'entendre. Donc, c'est plus important le micro que ma barbe. Là. La vie est-tu de plus en plus astrale? Tu sais, comme si tu pars, mais là, rien qui se passait après ça, les 1700, 1800. On va dire, plus qu'on avance, puis la technologie, puis tout, on va dire, c'est plus astral, astral, astral, puis te donner du bonheur, du plaisir, whatever. C'est toujours plus, plus, plus. Il n'y a plus de juste. Le plus de monde aussi. Oui, je sais, mais tout ça, c'est parce que c'est juste de l'astral, le monde ne crée que de l'astral. Ben, en tout cas, moi, chez nous, c'est pas juste de l'astral. Non, je sais, parce que c'est dans le bois, mais quand tu parles d'une ville, tu sais... Qu'est-ce que tu fais avec les coyotes et des loups? Tu ne penses pas que c'est astral? Le monde peut vivre ça, c'est correct, c'est paisible, tout. C'est... Mais il y a du monde qui a besoin de la ville là, pour se faire distraire. Ah ouais, c'est correct, rien là. C'est de l'astral. Dans la mesure que c'est cohérent, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rien contre l'astral. Si t'es capable de t'injecter 3 onces d'héroïne dans le corps, puis t'as les yeux clairs, pas à cause de la drogue, mais t'as les yeux clairs parce que tu ne payes pas, il n'y a pas de trouble. Moi, c'est toujours la perte de cohérence qui est ma mesure. Tu peux-tu dire que la civilisation s'astralise de plus en plus? Les occasions d'astralité sont larges. Oui, tu as beaucoup d'espace pour ça, mais ça revient toujours à l'individu. Moi, je dis tout le temps, l'individu, s'il reste cohérent, il n'y a pas de problème. C'est pas tuer qui est le problème, c'est sentir coupable. Il y a des permis de tuer. Quand tu es soldat, tu as la permission de tuer. Mais un soldat peut revenir de là. Moi, j'ai rencontré une couple de gars qui étaient dans les forces spéciales. Là. Il y en avait un, en tout cas, il y avait le coco qui ne savait pas trop si le bien puis le mal ou ce qui était à la ligne. Là. Il sort de l'armée dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que l'armée, il ne contient plus. Ou c'est le gars qui ne se contient plus. Tu sais? Qu'est-ce qui est astral? Ça ne se définit pas par un événement extérieur, ça se définit par le senti personnel. C'est toujours ta cohérence qui va déterminer le où jusqu'où tu peux aller. Moi, je regarde les jeunes qui font du motocross aujourd'hui, puis j'en ai fait du motocross longtemps. On sautait un tremplin, on lâchait les poignets, puis on se prenait pour des héros. Aujourd'hui, hey, ils te font souiller le bicycle 2-3 fois avant d'atterrir. Tiens, je me dis, pourtant, le bicycle est bien, bien plus différent que ceux qu'on avait. Là. C'est aux bonnes limites à l'évolution. Ils sont juste pas peureux, c'est tout. Ils ont une cohérence. Ils ont trouvé des moyens de réaliser des fantasmes qu'on n'avait pas, nous autres, à l'époque. C'est tout. Ils sont donc conséquemment plus potentiellement en danger que nous autres. Mais déjà, nous autres, on avait notre dose de danger juste à lâcher les poignets. Tu lâches les poignets, puis tu atterris sur la roue d'en avant. Là. Tabarnouche! Eux autres, ils se mettent des bananes de fond, là, un gros saut, puis ils se garochent dans les airs, puis ils retombent là-dedans. Faut que tu pratiques avant d'être bon, hein? C'est avant d'en faire un que tu atterris sur la bonne roue, là. Il y a de la pratique là-dedans, là. Il y a quelque chose qui n'avait pas peur, eux autres. Alors, ils se sont donné des moyens de ne pas avoir peur de se blesser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se blessent pas. Puis ils ont maîtrisé ça. Mais dans les temps futurs, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ça revient tout le temps à garder sa cohérence. Plus tu augmentes ton niveau de cohérence dans la vie, plus tu améliores ta vie, ça c'est clair. C'est pourquoi tu penses que je suis dans le mental par ses oreilles? C'est parce que j'ai vu que l'astral elle pouvait faire des dégâts qui sont infinis. T'sais, ils veulent te ramener de l'autre bord, eux autres, avant ton temps. Ta game, toi, c'est de te garder en vie le plus longtemps possible, en vivant quand même. Parce que vivre, j'ai quand même passé à travers de l'âme. Il y a beaucoup d'éléments d'âme que tu ne te priverais pas demain matin, là, je te jure. L'esthétique, les spectacles, pop, tu sais. Tu couperais tout ça, toi, demain matin, là, des bons shows de musique, puis tout ça, le bebel. Pense pour moi, là. Tu vas dire, je me cultive, ben oui, mais il faut que tu sois cultivé, cohérent. J'ai rien contre la culture, j'ai rien contre les jeux d'armes. Moi, les films d'action, les films de science-fiction, j'adore. Puis c'est pas réel, mais ça me divertit, ça me change les idées. Quand je tombe dans des séries de films, là, des films à série, puis que c'est réel, c'est dur. Parce que là, je suis obligé de faire de la thérapie au film. Là, tu sais, ah, bon, le réalisateur, il n'aurait pas dû faire ça de même. C'est pas réaliste, ça ne suit pas les règles. Puis, tu sais, comment... Écoute un film, man. Laisse-toi aller. Vas-y. Donc, l'astral, là, c'est toujours la résonance des émotions qui sont vécues. Moi, je t'affaiblis dans la vie par des émotions. j'accepte l'affaiblissement parce que je ne sais pas ce que je ferais avec tout le pouvoir que ça me donnerait de ne pas avoir d'émotion. Fait que c'est d'intention que je m'émotionne pour être viable et vivable avec mon environnement. Si je ne deviens pas émotif, le monde va dire que je suis un robot. Ils n'ont pas tort non plus, mais je ne veux pas que ça paraisse trop. Oui, c'est ça. Le mental là, est froid. Le contact, c'est froid. C'est fatalement exact. Ce qui m'impressionne encore des fois, c'est l'exactitude. Puis ce que j'haïs le plus des fois, c'est l'exactitude. Parce que dans l'exactitude, il n'y a pas de... Tu ne peux pas penser, décider rien. C'est tellement exact. Tu ne peux tellement pas être exact de même... que tu peux juste sentir que tu es un exécutant de cette exactitude-là. Mmh. Tu sais, j'ai pas préparé ça, cette conférence-là. Je la parle et je me surprends de dire ce que je dis. Je vais écouter ça chez nous, je dis, sacrement, j'aimerais ça rencontrer un gars demain. C'est vrai, là, je te dis, je niaise pas, là. J'adorerais rencontrer un gars comme ça. Parce que je suis tellement pas impliqué dans ce que je parle que je peux dire tout ce qui me passe dans le cadran. Essayez ça chez vous, pas de micro, rien pour vous impressionner. Essayez de vous regarder dans le miroir, puis de vous parler intelligemment ou de parler avec, que ça va dire, sans réfléchir à un mot de ce que vous allez dire. Vous allez voir que la seule chose que vous allez rester, qui est important de garder comme impression, c'est de sentir que vous parlez cohérent. Moi, je sais que j'ai parlé cohérent. Parce que des fois, je ne sais plus ce que j'ai à dire. Là. Je ne suis même pas fini ma phrase. Puis là, le mot vient. Poup, poup. Trippant. Excitant. Je regarde ma petite ligne. C'est tout. That's it. Ah, ouf. Ouais. Une question que je me posais aujourd'hui. Quand tu es dans un état de jello, mettons, tu mets du crémage, tu te brasses, puis il y a quelqu'un qui va aller te manger. Non, je parle du mental. Une petite cuillère, voilà. Parce que je vois sur ton tableau, tu as marqué courant, système nerveux. Oui, c'est parce que ça se passe tout le temps à travers le système nerveux. Mais ce courant-là, là, c'est l'esprit, ça. Oui. Quand tu es dans un état vaseux, tu es dans un état astralisé. Puis comment tu fais? L'astral ne veut pas que l'esprit rentre. Parce que si l'esprit rentre, tu vas le mettre à la porte, tu vas y fixer un oreille, tu vas dire, écoute, là, ça fait assez longtemps que tu es ici dans la maison, tu sors. Il veut pas ça. Lui, il va aller, il veut profiter de ta maison sur ton bras. C'est toi qui vas aller travailler, payer le loyer, te le quitte. Puis lui, il veut s'installer, puis quand tu t'en vas travailler, il est deux mains dans le plat de chips, puis le coke, tout payé par toi, là. C'est ça, l'astral, là. Ouais, c'est ça, l'astral. Tu dis, j'ai travaillé fort quand tu reviens sans Christ. Lui, il n'a pas travaillé. Il va dire, oh, tu fais pitié. Puis là, ben, tu vas dire, bon, ben, il me reconnaît. Il connaît que la souffrance que je vis pour qu'il reste ici. Puis lui, il vient de payer son loyer. Là. Il fait juste te reconnaître que tu souffres beaucoup. Mais il fait quoi pour que tu arrêtes de souffrir? Toi, tu espères qu'il va au moins faire quelque chose, genre laver la vaisselle, laver les planchers. Pas en tout. Plus de chips, puis il dit, puis, dure journée ou bonne journée? Si ça se matérialisait, tout ça, là, tu aurais un dégoût très, très profond de ce que tu laisses faire. Puis ça, je vous dis, la meilleure chose que je vous souhaite, c'est de rester cohérent. Les gens viennent en consultation pour garder leur cohérence. Elle me dit à moi, elle dit, j'aime ça me partir dans le business. C'est n'importe quoi que tu sais gérer. En d'autres termes, c'est n'importe quoi que tu peux garder ta cohérence dans ce que tu achètes et que tu revends. Pas dur de partir en affaires. C'est de l'organisation. Mon gars, il vend des escaliers. Écoute, il n'a pas inventé le bouton à quatre trous, là. Il vend des escaliers, des rampes d'escaliers, même pas l'escalier pour marcher dessus. C'est devenu qu'il a fait ça aussi. Mais au début, c'était juste des rampes qu'il avait achetées pour lui. Puis qu'il y a du monde qui a dit, « Où c'est t'as pogné ça? »« Ah, oh, j'ai acheté ça en Chine. »« Hey, fais-moi-en donc venir. » Puis lui, ben, j'ai éduqué Quand tu fais un échange, j'arrange tout pour avoir un profit. Fait que, il a fait venir, il a chargé 30-40% de profit pour le trouble de l'avoir fait venir. Puis là, ben, il y en a un autre qui l'a vu, il disait hey, moi aussi, j'aimerais ça d'en avoir une. Puis la business est partie là, puis il a rendu 1,5 million de chiffre d'affaires. Il a juste organisé quelque chose qu'il aimait faire, c'est tout. J'ai tout dit la même chose au monde. Prenez quelque chose que vous aimez, puis organisez-les. On va vous aider dans votre organisation. Tu n'aurais jamais fait des lavages, des. Hein? T'es pas dans ta nature. C'est torcher le monde, là. C'est... Hein? Mais ça marche. Oui, ça marche. C'est abrutissant. Si c'est bien organisé, tu peux pouvoir peut-être vendre des comme les Subway, là, des franchises. Ah oui, ça c'est moins dur, hein? Apparemment. C'est juste ça. C'est que ça. Tu réponds à un besoin, tu l'organises, tu vas être millionnaire en 10 ans. Bon, vous libérer d'un gros fardeau. Vous ne serez jamais capable. C'est trop fou. Vous n'êtes pas capable d'être fou comme moi. C'est impossible. C'est à 62 ans, pensant encore acheter un bicycle pour pouvoir faire 250 km/h. Tu sais, je pourrais me donner comme prétexte Benoît, il s'ennuie tout seul. Tu sais, t'attends une fois, t'attends tout le temps. Mais on ne peut pas parler parce que Tata est propriétaire de Jaguar Land Rover, la compagnie Tata. En tout cas, c'est tellement simple la vie, tu savais. On se la rend compliquée juste pour s'astraliser. C'est tellement plus fun quand c'est dur. Oh, moi, je me dis, quand j'ai deux sacs de litière dans les mains, là, juste de me rendre à la poubelle, ça fait ma journée. Je me dis, mon Dieu, incroyable. Il ne faut pas faire beaucoup de choses pour avoir une vie complète. Tu sais, je peux aller me rendormir. Là. Je viens de me lever. Je vais porter ça aux poubelles, puis c'est rien. J'ai pas pogné les escaliers glacés de l'hiver. Là, hey, tu dors en double, tu fais un bon 16 heures après avoir sorti de la litière de la maison. Hey, non, faut travailler, faut prendre le char, faut être dans le trafic. Pourquoi juste la litière, c'est pas assez? Tu sais pourquoi? Pour une seule raison, c'est pas payant. Le gars qui ramasse fait plus d'argent que moi. Moi, je m'en vais porter ça dans le gros bac vert pour faire de l'argent à quelqu'un. On s'entend que c'est pas recyclable. Et il est payé pour le recyclage, de ramener ça à une place, que ça ne sentira pas dans la maison de Ménard. Mais ça, qu'est-ce qui pousse les gens comme ça à produire pour que ça serve dans le système? C'est parce que si j'avais 10 ans de litière à côté de chez nous, c'est mes voisins qui viendraient m'avertir. Tu mets les gars qui ramassent les vidanges, tu lui bloques ça pendant une semaine, là. Je t'ai dit que c'est pas un saut métier. Ben c'est ça. Tu sais, on répond à des besoins, puis on n'a pas jugé le besoin qu'on répond. On a regardé s'il est bien organisé, si ça développe une cohérence suffisante pour te faire vivre. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Mon père, il n'en reviendra pas de me voir parler comme je parle, puis de sortir avec 1,000 piastres en soirée, là. Il disait, c'est fou ton âme.